Je me réveille au bord d'un radeau en carton. Mon slip flotte, mon dignité fond. Y'a un noob qui fait des pompes devant ma base. Je lui drop une torche et il prend feu dans l'impasse. J'farmant, moonwalk, j'ramasse du souffle en chantant. Ma pioche est nulle mais mon groove est gagnant. Les mecs full stuff regardent comme un virus. Mais j'suis ride et skill, baby. Je loot même des cactus. Oh wow, t'as glissé sur mon feu de camp. Oh wow, ton stuff a fondu comme un bonbon géant. Rust c'est cruel mais l'été le rend sexy. J'rête des bases en short, orteil vernis. Le garage est vide, y'a juste une caisse en bois. J'l'ouvre, surprise, un slip et un doigt. J'pose une tourelle en équilibre sur un poulet. Ça marche pas, mais au moins j'ai streamé. L'ennemi m'a vu danser nu, fraîche, il a ri, puis il a perdu. Rider skill, c'est pas une strat, c'est une vibe. J'clique au pif et j'te claque comme un tribe. Y'a un clan qui campe, je leur offre des chamallows. Ils m'ont laissé entrer, j'ai foutu le feu à leur château. Le loot a fondu, mais les rires ont flambé. Heureux, c'est pas sérieux, c'est une poule partie piégée. Si tu vois mon short léopard, car mes viewers votent pour le bazar. Le soleil tape, les bugs explosent. Mais je troll en dansant, même quand tout implose.